Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte, une série de Pauline Mocor réalisée par Gaëlle Gillon. Au départ de cette série, il y a des images terriblement actuelles d'enfants derrière des grillages et les politiques de répression des migrations qui font qu'ils se retrouvent en centre de rétention. Il y a aussi cette idée à préserver de la protection de l'enfance sans condition et du coup cette envie d'explorer l'histoire et les usages de l'enfermement des mineurs en France et en particulier des filles. Alors pour commencer, les personnages. Une jeune fille lucide, une autre qui doutait, une sociologue qui fait le tri, un historien qui regarde le genre, des filles qu'on protège et des garçons qu'on punit, une éducatrice qui veille, une jeune fille qui respire mal et une autre déterminée. Ensuite, le décor. La délinquance, le réel comme un mur, la bonne vieille misogynie, la rébellion, la peur du désordre, la femme comme un ciment, la norme, la féminité comme un cliché, des jeans, des jupes et des joggings, la surveillance, des corps éteints et la violence comme un message politique. Aujourd'hui, troisième épisode, une histoire de la violence. Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte. Épisode 3, les filles violentes, déviantes ou dissidentes. Depuis l'âge de mes 3 ans, j'ai été violente. Quand j'étais en maternelle, il y avait un petit de CP, il y avait un grillage, vous savez, un grillage vert comme là-bas, qui séparait la cour des maternelles et la cour des primaires. Et il distribuait des bonbons à des gens. Et moi, je dis « donne-moi », et il m'a pas donné, et je l'ai étranglé à travers le grillage. Après, quand j'étais en CM1, il y avait une fille en classe qui m'avait dit, en gros mot, hein, ferme ta gueule, elle m'avait dit. Et je lui ai dit, tu vas voir, toi, sortir. Et en récré, j'ai appris, j'ai envoyé visiter sa belle, je suis arrivée avec un stylo et j'ai planté dans le dos, 10 fois. Et je vous jure, un stylo, ça plante. Hein. Parce qu'après, elle a tombé par terre, elle est à l'hôpital. Après, j'ai été virée 3 jours. Après, je suis revenue et elle a fait la belle. Et elle m'a dit, j'ai porté plainte contre toi. Et je lui ai mis une pastèque, enfin, j'ai mis un coup de poing dans l'œil. Elle a eu un cocard. Et du coup, j'ai été virée définitivement de l'école et je suis passée devant un juge. Et après, je suis en foyer. Et après, depuis que je suis en foyer, ben, j'ai commencé à voler, à arracher des gens, frapper, fumer, faire des sorties dehors le soir, la nuit. Enfin, n'importe quoi, quoi. On dirait pas comme ça. Non. Je sais, j'ai un visage de toute sainte là. Mais je suis gentille, hein. Mais c'est juste qu'avant, je faisais n'importe quoi. En vrai, je suis gentille, moi. Centre éducatif fermé de Doudeville. À la demande de la protection judiciaire de la jeunesse et pour protéger les jeunes filles conformément à l'ordonnance de 45, leurs témoignages sont anonymes. Je suis rentrée dans un déclic de délinquance et tout ça. Puis après, j'ai vu que ça me faisait oublier, donc je continuais. La délinquance, c'est que c'était comme une drogue, ouais. Ouais, ça me permettait d'endormir ma souffrance, d'oublier tous mes problèmes. J'étais vraiment dans un autre monde. Tu planais. Ouais, c'est ça. T'es dans un autre délire, si je peux me permettre. Et du coup, t'oublies les autres trucs qui te pèsent. C'est comme quand tu fumes autre chose que de la cigarette. Ça te fait oublier, ça te fait sortir un petit moment. Et après, quand tu reviens à la réalité, ça fait mal. Du coup, tu recommences, après tu reviens à la réalité, donc ça te fait mal, donc tu recommences et c'est un cercle vicieux en fait. Moi je sais que personnellement, moi avant, je n'avais strictement rien à faire des conséquences qu'il pouvait avoir derrière. Bah parce que j'étais dans mon monde et qu'à chaque fois, ça faisait longtemps que je faisais des conneries et du coup à chaque fois on me disait attention et chaque fois il m'arrivait rien. Donc moi je me disais c'est que du blabla Et tant qu'il m'arrivait rien, bah, je continuais. Je me disais, c'est n'importe quoi, leur discours et tout. Et jusqu'au jour où je suis tombée ici, et j'ai compris. Colline Cardy, sociologue. On redécouvre sans cesse que les filles peuvent être délinquantes. En fait, on est sur quelque chose de constant qui est au niveau de la justice des mineurs, 10% de filles qui sont prises en charge. Donc évidemment, cette soi-disant explosion de la délinquance des filles, elle est à relativiser. Mais dès qu'elle réapparaît dans les médias ou dès que les pouvoirs publics commencent à s'inquiéter de cette délinquance, là, il y a une réutilisation pour un discours sécuritaire autour de, au fond, si même les filles s'y mettent, alors il est temps effectivement que on redresse ces jeunes. Il y a ce discours-là, et puis il y a un discours antiféministe aussi très fort, hein, qui a été de dire, et ça aussi, ça ne se vérifie pas historiquement, il y a eu une libération des femmes, il y a eu une émancipation des femmes, donc elles se mettent à faire comme les hommes ou comme les garçons. Et donc, vous voyez un peu les méfaits du féminisme. En général, à l'égard des garçons, on estime que la violence, c'est d'une certaine manière une manifestation justement de leur identité de genre, en fait. David Niger, historien. Eh bien, c'est exactement l'inverse du côté des filles. Hein. L'identité de genre des jeunes filles, c'est justement d'être disciplinées, attentives aux autres. En plus d'être les gardiennes de la vertu, elles doivent être les garantes de la discipline sociale dans nos sociétés, être de bonnes épouses, de bonnes mères, être attentives à l'école, savoir se mettre au service des autres. Tout ça fait partie de l'identité féminine dans les représentations, en tout cas, qu'on s'en fait dans l'histoire. Et donc, à partir du moment où les jeunes filles se rebellent, il y a une rupture dans l'idée qu'on se fait de ce que c'est qu'être une bonne jeune fille, en quelque sorte. Il y a une sorte de double menace dans la violence des filles. D'abord, elle remet en cause l'organisation sociale. Dans nos démocraties libérales, c'est la famille la structure de base de la société, et pour faire tenir cette famille en particulier, il faut que les femmes soient à leur place, garantes du foyer, de l'éducation des enfants, de la socialisation des enfants, de la reproduction sociale à travers leur corps, en particulier avec la maternité, bien sûr. Et par contre, le rapport de force, le changement, les rivalités, les négociations doivent être, elles, menées par les hommes, les pères de famille, les jeunes garçons également doivent se former à ça. Tu fais le service ? Non, c'était une question. Leur préoccupation, c'est ça. Comment on va faire ? Ils sont pas là. Et comment vous allez faire chez vous quand vous serez toute seule? Tu vas pouvoir compter que sur toi. Hein. Pas sur le voisin. Hein. Tu verras ton bol, là, tu vas le laver, tu vois. Ouais, je vais laver mon bol. Mon bol. Arthur Watou, sociologue. Alors sans doute que ce qui fait peur chez les jeunes filles délinquantes, c'est qu'elles soient effectivement pas à leur place, c'est qu'elles ne tiennent pas leur rôle, le rôle qui est attendu, et surtout qu'elles viennent un peu perturber un système de répression des mineurs, avant tout créé, produit pour les garçons, pour l'ordre public, pour la tranquillité, etc. Et elles viennent un peu perturber. On le voit par exemple en prison, les filles en prison sont très mal perçues par les professionnels qui voient quelque chose d'un petit peu... Ils utilisent parfois le terme, je fais référence là à des entretiens que j'ai fait avec des professionnels en prison, de contre-nature. Elles n'ont pas à être là, elles n'ont pas leur place ici. Pourquoi elles n'ont pas leur place ici? Parce que ici, on est censé réprimer des faits qui sont des faits de délinquance, et les filles n'ont pas à être dans ces faits de délinquance, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a une sorte comme ça de hors-norme de la délinquance des filles qui fait qu'elles n'ont leur place finalement nulle part. À part peut-être dans des institutions de protection. On va considérer que si c'est pour les aider à jouer, à bien jouer leur futur rôle de mère, etc., etc., peut-être que là, ça a sa légitimité. De 10h30 à midi, on doit aller dans notre chambre faire le ménage, se laver, se réparer. On a des serpillères, des balais et tout, pour laver et tout. C'est une fois par semaine? Non, c'est deux fois par semaine. C'est mercredi et samedi. Hein? Mercredi et samedi, le ménage. Et après, il y a le ménage entier du CEF, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est souvent. Ouais. Je fais moins souvent chez moi, le ménage. Vous aimez bien ça? Ça va. Mais après, c'est une tâche quotidienne, du coup, il faut s'habituer à plus tard. Quoi. Alors, moi, je le prends bien. J'aime bien le ménage, donc ça va. Toi, je te vois bien dans le ménage. Je suis plus de ménage. Hein. Ouais, je sais, mais... Toi, limite, le ménage, c'est ta classe. Tu kiffes. Ouais. Je sais pas, ça me détend. Frotter le sol, tout ça. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Hein. L'institution, quand elle est face, par exemple, à un fait de délinquance, très classique, un vol, par exemple, un vol ou une atteinte au bien, avec violence, etc., etc., comment l'institution va rechercher la vulnérabilité des mineurs? Et ce qui est très clair, c'est que, par exemple, dans le cas des garçons, les garçons de quartier populaire, la plupart du temps racisés, etc., qui sont en fait la majorité des jeunes qu'on trouve au tribunal pour enfants, ces jeunes-là, quand ils commettent ce type d'acte-là, finalement, on va assez rapidement regarder ce qui se passe dans leur vie, quand même, savoir s'ils sont scolarisés, pas scolarisés. En général, ils ne le sont pas, ou plus vraiment, etc. Mais on ne va pas s'inquiéter outre mesure. Alors que quand on a une adolescente qui arrive au tribunal pour le même type de fait, on se rend compte, en réalité, que très rapidement, on va lui poser des questions beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus poussées sur la manière dont ça se passe dans sa famille. Si elle a effectivement un copain, qu'est-ce que ça veut dire, depuis quand, etc., etc. Et donc, en fait, on va poser des questions qui vont très rapidement amener à déceler des vulnérabilités spécifiques. Le fait, par exemple, qu'il y ait des vrais soucis dans la famille, qu'on va, la plupart du temps, soit voir, mais ne pas traiter, soit ne pas voir du côté des garçons. Et donc, du coup, très rapidement, ce qui se passe, c'est que pour les filles, en tout cas pour les faits les moins graves, très rapidement, elles vont basculer en assistance éducative, c'est-à-dire que le juge décide d'ouvrir un dossier en assistance éducative, disant que là, il y a une situation de mineur à protéger davantage qu'à réprimer, pénaliser. Alors que chez les garçons, il faut vraiment atteindre un grand niveau de vulnérabilité pour que le juge agisse de cette manière. C'est-à-dire qu'on va considérer que finalement, peut-être qu'on réglera mieux les choses pour les filles si on les fait entrer dans le système de protection de l'enfance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve très peu d'adolescentes en prison. Vous avez quelques chiffres à nous donner? Ouais. Alors, sur la disparition des filles au pénal, par exemple, si on regarde la part des filles parmi l'ensemble des mineurs pris en charge, si on regarde dans les mises en cause, c'est-à-dire le moment où la police met en cause des mineurs, c'est-à-dire voilà, il y a une arrestation par exemple, voilà, on voit que les filles sont 17%. Elles sont ensuite 10% seulement à être présentées au juge des enfants. C'est-à-dire que déjà là, entre la mise en cause par la police et la présentation au juge, il y a eu d'autres réponses qui ont été apportées. Alors soit que le parquet n'a pas décidé de poursuivre, soit qu'on a classé, etc. etc. Et puis, si on regarde ensuite dans les sanctions qui sont apportées, eh bien, les sanctions les plus répressives, pour les sanctions les plus répressives, les filles représentent là une part extrêmement minoritaire. Elles représentent par exemple 3% des mineurs en détention. Et donc, soit vous vous dites, ah bah oui, les femmes et les filles, elles délinquent, elles commettent beaucoup moins d'actes de délinquance, ce qui est en partie vrai, mais quand vous êtes chercheuse ou chercheur, vous vous dites, bah non, ça ne reflète que l'activité de ces différentes institutions de contrôle social. C'est-à-dire qu'au fond, on sait que, enfin, voilà, on peut dire que y a un traitement différencié au niveau policier, au niveau judiciaire, au niveau carcéral, de la délinquance des filles et des garçons. Et de fait, ce que montre un certain nombre d'études, c'est qu'effectivement, les filles, par exemple, échappent au contrôle policier. Les policiers ont en tête aussi un certain nombre de catégories liées au genre et ont plutôt en tête qu'un individu suspect, c'est un individu de sexe masculin. Et donc, dans l'espace public, il y a évidemment un certain nombre de femmes qui vont et de filles qui vont échapper, au fond, à ce contrôle policier. De la même façon, au niveau judiciaire, ce qu'on observe assez, enfin ce que moi j'avais vu quand je travaillais sur la justice des mineurs, ce qui était assez net, c'est que j'avais un mal fou à trouver des filles au niveau de la dimension pénale de la justice des mineurs. Par contre, j'en voyais des filles qui avaient pu commettre des actes, enfin des infractions, au niveau de l'assistance éducative, c'est-à-dire au niveau du droit civil. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait une porosité entre le droit pénal et le droit civil, puisque ce qui fonde la justice des mineurs, c'est l'idée qu'un mineur délinquant, c'est avant tout un mineur qu'il faut éduquer. Et donc longtemps, il y a eu la possibilité pour les juges des enfants d'ouvrir un double dossier. C'est-à-dire, au fond, il y avait un gamin qui avait fait une connerie, on le prenait aussi en charge au plan civil, au plan de l'assistance éducative. Pour les garçons, il y a une séparation de plus en plus nette de ces deux espaces-là de la justice des mineurs. Pour les filles, c'est ça qui est intéressant, c'est que soit il y a ouverture d'un double dossier davantage, soit il n'y a même pas de dossier qui est ouvert au pénal, mais il y a un dossier qui va être ouvert en assistance éducative. C'est-à-dire que ces jeunes femmes, n'échappent pas d'une certaine manière au contrôle social, puisqu'elles vont être prises en charge dans cet espace-là. Mais pour autant, d'emblée, on estime pour elles que le problème, il est davantage éducatif que simplement la transgression de la loi pénale. Et ça va être une manière de protéger les filles, tout en les disciplinant vers des rôles féminins plus traditionnels. Et en fait, on peut penser aussi que c'est beaucoup plus efficace d'une certaine manière. Parce qu'au fond, les garçons, elle est sanctionnée au niveau pénal, on va renforcer ce jeu de la stigmatisation autour de, voilà, de chose, quelque chose qui est un peu viril autour de la sanction. Et au fond, les filles, on peut dire qu'elles s'en sortent beaucoup mieux. Mais en tout cas, elles vont être effectivement davantage éduquées vers quelque chose d'une docilité féminine qu'on attend d'elles. Édition spéciale. Reportage de David Pouget au Centre d'éducation surveillée pour filles de Brécourt, 1960. Ces chants, ces rires et ces joyeuses exclamations pourraient être ceux de n'importe quel lycée à l'heure de la récréation, de n'importe quelle colonie de vacances en promenade, en quelques mots, ceux d'un groupe de jeunes filles heureuses de vivre. Pourtant, la réalité est tout autre. Ces enfants aux voix claires et à l'apparente insouciance ont été déjà durement marqués par la vie. Ce sont des inadaptés sociales retirés à leur famille. Aucune d'entre elles n'a encore 20 ans. À cet âge, elles ne sont pas, elles ne peuvent pas être de véritables coupables. Leur placement est l'aboutissement des mots qui sont l'apanage de notre société, de ces terribles mots que sont les dissensions familiales, l'aveugle égoïsme des adultes, l'alcoolisme, les taudis. Elles ont pris un faux départ dans l'existence. Pour chacune d'elles, des circonstances tragiques risquaient d'hypothéquer toute leur vie. J'ai bien dit risquaient, car elles ont maintenant le droit de croire que pour elles, tout est encore possible. Une institution leur est consacrée à la mesure de leurs problèmes. Des âmes dévouées se dépensent sans compter pour les aider à se sauver, leur donner une existence heureuse dans un cadre de paix et surtout à leur assurer un avenir plein d'espoir. C'est ce mot espoir qui nous vient spontanément à l'esprit lorsqu'on franchit l'entrée du parc de Brécourt. Brécourt, c'est une belle propriété à 60 km de Paris. Mais c'est aussi le havre de paix où l'enfance égarée retrouve le bonheur. Brécourt, centre de rééducation des jeunes filles, est devenu, grâce à la direction de l'éducation surveillée, l'île heureuse des âmes en détresse. Les mots justice, surveillance, qui résonnent désagréablement aux oreilles des Français, expriment ici la volonté de quelques-uns à sauver les autres. Véronique Blanchard, historienne. Voilà, les jeunes filles sont des êtres fragiles qui se perdent sur les mauvais chemins de manière régulière et qu'il faut absolument sauver, il faut sauver leur âme. Et là, on est quand même dans un langage, on est en 1960, qui est très proche du langage religieux. Bien sûr, sauver leur âme, c'est sauver leur corps, c'est préserver leur sexualité. Mais je pense que c'est encore très fort en 1960. Maïté Bourquin, ancienne éducatrice au centre d'éducation surveillée pour filles de Brécourt. Ce dont on était chargé, c'était d'écrire chaque jour une observation du comportement, a bien fait sa toilette, n'a pas nettoyé, enfin des choses un peu comme ça. Et on avait toujours l'impression de traquer, il fallait traquer le mensonge, traquer peut-être le vice, j'en sais rien, traquer des trucs bizarres chez les filles, quoi. Moi, dans ma vie, il y avait quelque chose de l'ordre de pervers. Mais là, je ne dirais pas plus que ça. Parce que là, c'est vraiment mon ressenti. Voilà. Et précisément, qu'est-ce qu'il fallait traquer chez les jeunes filles, chez les filles ? Traquer un vice, je ne sais pas. Traquer. Il y avait l'évolution corporelle aussi. Là, c'était un peu la préadolescence. Donc on traquait, voir si les règles arrivaient, on regardait les petites culottes, enfin, d'une part, il y avait un souci du corps, là, de leur santé, effectivement, mais aussi de la façon dont elles se nettoyaient, dont elles prenaient soin de leur corps, ou qu'elles n'en prenaient pas soin. Je rêve, t'as mis un jean. Oui, j'ai mis des jeans. Ça veut dire que t'es pas là. Hier, j'ai mis un jean. La dernière fois, tu me dis quoi ? J'aime pas les jeans. Oui, j'aime les jeans. Mais j'aime les jeans parce que je les aime pas. En fait, tu vois. Et ça te va très bien. Non, j'aime pas. Parce qu'en fait, je t'explique, c'est serré. Et tu penses que les leggings que tu mets, c'est pas serré ? C'est pas un legging, c'est un jogging. Bah, mais tes joggings sont serrés. Ah, bah oui. Oui, mais pas autant que ça. Parce qu'en fait, jogging, tu peux faire ce que tu veux. Genre, tu peux faire l'étoile de mer, je sais pas quoi. En fait, tu peux faire l'étoile de mer serrée comme les serrées là. C'est comme si t'avais mis un leggings ? Non. Regarde, là ils sont secs tes cheveux, comment tu veux que... Où ça là ? Là, tu sens quoi ? Mais je fais comment ? Tu mouilles. Bah c'est ce que j'ai fait. Non, non, c'est pas ce que t'as fait. Là t'as fait juste... Là ça sent que t'as la douche, et là ça sent rien du tout. Oh. Ah oui, tu veux des tresses ? Oh, je veux des tresses. Retourne-toi. Où ? Comment ça, retourne-toi ? Bah donne-moi l'air de... Oh là là ! Eh mais mouille-moi pas, je suis habillée. Ah, c'est ça, tu t'es en train de tout mouiller là, de toute manière, tu vois pas? Oui, mais ça va sécher. Oh là là là! Et quoi? T'es une catastrophe, toi! Hein? Bah, je sais! Je fais ça pour que tu t'occupes de moi. Bah, ouais, bah. C'est une peste. Tu perds tes cheveux, toi? Oui. Ouais, mais les cheveux détachés, c'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau? Que t'es pas habituée. Tu sais, j'ai les cheveux lisses, mais il y a que... Je te comprends pas. Il y a que ma petite mèche de bébé qui bouge. Moi, quand je suis dehors, je suis pas comme ça. Je mets des jeans, je mets des robes, je mets des jupes. Ah bah alors. Parce que c'est OCF. Garde, même si t'es OCF, garde ta féminité. Ouais, c'est important. Hein. J'ai demandé à Eleonore qu'elle m'achète des jeans et des pulls. Ah bien. En prison, le corps des femmes détenues est mis sous surveillance. Avec cette idée d'une part... que les femmes détenues supporteraient moins bien l'incarcération. Donc il y a cette idée-là d'un corps plus vulnérable, mais pour autant ça va être un corps mis sous surveillance. Et puis ce corps, il est le signe d'indice sans cesse en prison, beaucoup plus que pour les hommes en fait. On va observer à travers le corps si elle se réinsère. C'est-à-dire qu'une femme qui tout d'un coup arrête de porter des joggings extrêmement larges, etc., notamment pour les jeunes qui sont incarcérés, on va se dire tiens, il y a un travail qui est en train d'être mis en place. Au point que, dans certaines prisons, on a mis en place des ateliers de socio-esthétique. Ce qui paraît complètement aberrant parce que le problème des femmes en prison, c'est quand même qu'elles ont, pour certaines, des dents très abîmées. Elles sont atteintes d'hépatite, de VIH, etc. Et voilà, et donc on est quand même sur des problèmes sanitaires qui relèvent pas seulement du rouge à lèvres et du mascara. Mais pour autant, on a pu mettre ces choses-là en place en se disant qu'effectivement, une manière de se réinsérer pour les femmes, c'est de faire usage de son corps et de prendre soin de son corps et sa féminité. C'est qui ? C'est les éducateurs qui m'ont changé. Ils m'ont appris peu à peu que déjà j'étais une fille, que c'était comme ça. Parce que je mettais tout le temps des joggings, je me comportais comme un mec. Que je suis une fille, quoi. Il faut que je me comporte comme une fille. Et du coup, ils m'ont appris à changer. Mais ça veut dire quoi, se comporter comme une fille ? Bah, déjà vestimentaire. Je mettais aucune robe. Je mettais même pas de jean. Alors qu'ici, je mets des jeans. C'est pas s'asseoir comme un garçon. Parce que je m'asseyais vraiment comme un garçon. Je marchais comme un garçon. Je m'habillais comme un garçon. Enfin, compliqué. Alors que là, je commence peu à peu à avoir un comportement de fille. Être une fille, c'est pas porter des joggings à longueur de journée. Et jogging, c'est pour le dimanche. C'était pas moi, je voulais me cacher derrière une image, en fait. Quelle image ? Bah, l'image de... Moi, je suis fort, moi, je suis un gars... Je voulais avoir une image forte alors que c'est pas juste parce que je me donne un genre de gars que je suis forte. Hein. Aurore Carbonel, psychologue au centre éducatif fermé. Elles viennent ici avec leur posture d'adolescente en mode je suis une warrior. Voilà, on a souvent ces postures-là très défensives, en mode je suis la meilleure de toutes et je peux compter que sur moi-même, et qu'elles observent en fait que nous on les protège des dangers, on les protège de plein de choses, et que elles peuvent laisser tomber tout ça. Ça s'effondre, voilà. Et alors, c'est une phase de régression. Oui. Et vous recherchez ça ? Oui, on recherche ça. Ça permet de relancer le développement. C'est-à-dire que lorsque une jeune arrive ici, souvent il y a eu des éléments dans sa vie qui ont fait que son développement s'est arrêté. Alors sur certains aspects, ça s'est développé. Par exemple, on a des jeunes qui sont capables de se débrouiller dans des situations pas possibles, à survivre, à manger, voilà. Toutes ces choses-là, elles y parviennent. Par contre, sur le plan, par exemple, émotionnel, elles ont des carences émotionnelles qui sont extrêmement précaires. C'est-à-dire que, par exemple, elles ont des émotions qui sont très archaïques. La colère, la joie, et puis la honte, par exemple, ou la peur. Mais elles n'ont pas toutes les variantes, toutes les nuances qu'on peut avoir au niveau émotionnel. Donc ça, c'est des choses où on va, par le cadre et par toutes nos actions d'enveloppement, de prise en compte de l'autre, de sa dimension individuelle et autre, qui va permettre à cette jeune de pouvoir revenir à la base de son développement dans les aspects manquants et pouvoir reprendre son développement là où il est resté. On a eu une jeune qui est arrivée ici avec beaucoup de manifestations traumatiques. Par exemple, elle a pu se cacher dans un placard, être tournée comme ça, prostrée, ou en fait, elle nous rejouait une scène traumatique qu'elle avait vécue dans un foyer. Et notre but, en fait, ça a été vraiment de pouvoir aller entendre cette angoisse, entendre cette peur, entendre ce souvenir qui revenait et qui se rejouait. Et on a pu, par exemple, le soir, l'aborder pour la sécuriser en disant, voilà, on va te coucher comme un bébé qu'on fait, on lit la petite histoire et puis on va jusqu'à lui dire que tout va aller bien, qu'on est là, qu'on est juste en dessous, ou que le veilleur, il est là, qu'il reste éveillé. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui permettent, en fait, de sécuriser suffisamment la personne, faire tomber les défenses, puis après, permettre de relancer le développement là où il en était. Vas-y, elle chante, la médecin. Le médecin. Le médecin. Bon, c'est bon, on peut y aller, là. On va de l'autre côté. Vas-y, j'en ai marre, là. T'as marre de quoi? Ça y est, elle fait sa crise, là. Tiens, elle est jamais là. Est-ce qu'on va se poser quand elle est là, elle... Ouais, bah, on est bien, là, non? T'avais demandé un rendez-vous? Bah oui. Depuis quand? Bah, ça fait... Depuis, je sais pas. Des stress. Oui. Non, mais vas-y, elle me donne son médicament, il me sert à rien. C'est un médicament pour quoi? Le cœur. Et pourquoi tu dis que ça sert à rien? Tu te sens fatiguée quand tu reviens? Non, en fait, c'est parce que t'as vu, j'avais des pointes au cœur. Mm. Elle m'a donné ça, j'ai plus de pointes au cœur. Ouais. Sauf que ça a changé, il y a un truc qui change pas. À longueur de journée, je suis là, je fais des... Pour respirer, ouais. Ah, tu cherches ton souffle? Tu veux pas un peu d'asthme, peut-être? Je sais pas, mais... Vas-y, elle sert à rien. Non, dis pas ça. Parce que là, tu. Ils disent c'est l'angoisse, wesh. L'angoisse, j'ai plein de médicaments pour ça. C'est vrai. Moi, j'en ai marre. T'as des vertiges ou pas du tout? Bah, quand je me lève, quand je fais un effort. Mm-hmm. Mais je te jure, je vais me lever de la chaise. Je vais pas respirer. Et tu sens que c'est de plus en plus? Bah oui, c'est tous les jours, à longueur de journée. Ouais, là, faut contrôler là. À contrôler. Des stress. Je vais voir Amélie, je vais demander qu'elle la rappelle pour prendre un rendez-vous rapidement. T'as dit qu'à Amélie que c'était de plus en plus fréquent ou pas? Bah oui, elle dit c'est l'angoisse. Et en ce moment, t'es angoissée? Je suis angoissée. Et quand t'es stressée là avec ton crayon là? Tu vas casser la nuit. Ça m'énerve, moi j'ai toujours des trucs bizarres comme ça. Ça me saoule. Comme ça d'être un petit souffle de cœur. D'être une handicapée. Mais non, pas comme ça. Vous pourriez nous dire pourquoi cette jeune fille elle a été hospitalisée? Ça, c'est un environnement qui est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus contenant, beaucoup plus où il y a la confiance qui peut s'instaurer. Il y a des mécanismes de défense qui se lèvent. Et du coup, l'angoisse, hein, les expériences passées, les émotions passées, les souvenirs passés, toutes ces choses-là remontent. Ça se manifeste par des crises d'angoisse, ça peut se manifester par des cauchemars, ça peut se manifester par des envies de se scarifier, ça peut venir par une recherche du conflit, ça peut se manifester par beaucoup de choses. Mais c'est une jeune qui, par exemple, ne supportait pas qu'on fasse attention à elle quand elle va mal. Elle supporte pas qu'on dise « Oh, toi, tu vas pas trop bien, qu'est-ce qui se passe ?» Et tout de suite, elle est irritable. Et c'est une jeune qui vient aussi nous solliciter à plusieurs reprises en disant « Tu sais, j'ai des idées comme ça, machin, je vais pas bien. » Des idées noires. Des idées noires qui a des petites plaintes beaucoup au niveau du corps. En se plaignant, voilà, j'ai des douleurs ci, j'ai des douleurs... C'est une manière, en fait, d'interpeller l'adulte en disant « Prends soin de moi, parce que là, je vais vraiment pas bien. » Donc tout ça, c'est des signes qui nous interpellent en nous disant « Ouh, il y a quelque chose qui va pas. » Donc vous les notez ? On les note, on les repère, on en discute. C'est vous qui les notez ? Oui, bien sûr. Donc c'est les éducs qui viennent vous dire ? Donc moi, j'ai mes connaissances qui fait que j'ai un regard qui s'oriente. Mais les éducateurs sont aussi des personnes tout à fait aptes à nous dire, à nous faire remonter, même à moi. Bon, hier soir, elle a fait ça, il se passe des choses. Donc il n'y a pas que les caméras, en fait, qui surveillent les jeunes filles. Toute l'équipe éducative, vous les observez sous tous les plans, quoi. Bien sûr. En permanence. Bien sûr. Bien sûr. Elles sont surveillées. Elles sont surveillées. Mais c'est pas... Une caméra, c'est quelque chose qui est froid. C'est une surveillance qui est froide. Nous, on est là dans une posture humaniste, c'est-à-dire qu'on est dans une posture où on, comme une maman qui regarde son bébé et qui surveille si la fièvre elle est montée ou pas, et voilà. C'est-à-dire que oui, c'est des jeunes qui sont surveillés, mais à raison, puisque c'est des jeunes en développement et qu'ils ont besoin d'une attention, ils ont besoin de toutes cette dimension qu'on appelle ça la préoccupation maternelle précoce. C'est une grosse voilà. maman. C'est une grosse maman le CEF. Ouais. Et c'est souvent quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Des fois, ça te fatigue. Bah oui, des fois, ça te fatigue. Hein. Des fois, t'as envie de te retrouver seule. Mais ici, tu pourras jamais te retrouver seule. Il faut toujours quelqu'un à côté de toi. Pour que tu sois réveillée. Il y a les caméras. Dans le couloir. Ça doit faire bizarre quand on arrive. Quand t'arrives, ça te fait comme si tu passais des gardes à vue, mais à longueur de temps. Mais ça va, c'est mieux que la prison. Oui, il y a quelqu'un. C'est quand que je passe ? Hein ? Oui, ils font leur truc, là. Ils font le massage. Ouais, et après ? Tu passeras après. Est-ce qu'il y a un travail spécifique qui est mené dans ce centre éducatif fermé du fait que ce soit des jeunes filles ? Alors je dirais qu'au niveau corporel, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent au niveau thérapeutique. Par rapport, enfin après, il y a une représentation aussi un peu culturelle hein, dans tout ça. Par exemple, sur les garçons, le corps est déjà beaucoup plus en action par rapport aux filles. Les garçons vont plus facilement, culturellement, c'est une influence culturelle, aller faire des passages à l'acte violent, ce genre de choses. Vont utiliser le foot, vont utiliser la musculation, vont utiliser toutes ces choses-là pour mettre en mouvement le corps. Puisqu'il permet de décharger des tensions, il permet de travailler sur l'estime de soi, il permet de travailler beaucoup de choses au niveau corporel, au niveau émotionnel, etc. Pour les jeunes filles, c'est quelque chose qui... on a beaucoup plus de choses qui s'inhibent au niveau du corps. Le corps, il est beaucoup sollicité dans la société par rapport aux femmes. Donc il y a beaucoup l'apparence. Donc souvent on le couvre, on l'embellit, ce genre de choses. Mais on ne va pas aller, par exemple, aller chercher l'émotion dans le corps. On va pas aller chercher la décharge pulsionnelle, par exemple. En fait, il n'est pas agissant, mais il est voilà. Sujet du regard de l'autre. Voilà, beaucoup plus. Alors que quand on passe par le massage, quand on passe par la balnéo, quand on passe par le sport, il y a aussi beaucoup de sport ici chez nous, quand on passe aussi par pouvoir rester en sophrologie, assise dans la pénombre, ou alors se mettre à faire des exercices de respiration et autres, on met en action le corps. Et cette action du corps permet que l'émotionnel puisse se réveiller, puisse réémerger dans le corps, les sensations corporelles reviennent. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui réémergent. Puisque quand on a vécu des traumatismes, le corps a tendance à s'éteindre de façon comme un feu. C'est-à-dire que les émotions diminuent, les manifestations corporelles souvent se rétractent ou au fur et à mesure, puisque le corps, il est fait par des signaux. Les signaux, ils agissent. Sauf qu'à force de subir des choses importantes, les signaux ne servent plus à rien. Donc ils finissent par peu à peu s'éteindre. Alors, j'ai pris du poids. Donc, quand je suis arrivée ici, je faisais 57 kilos. Et du coup, ouais, j'ai pris 13 kilos. Et en un mois et demi, parce que je faisais pas d'efforts quand je suis arrivée ici. Et je mangeais beaucoup. Au début, c'était le stress. Alors, quand je suis stressée, je mange beaucoup. Et je fais rien. Et le fait d'avoir pris du poids, ça t'ennuie ? Un peu beaucoup quand même. Ouais. Parce que je me reconnais pas. C'est 70 kilos, c'est pas rien. Enfin... C'est pas pareil que dehors ici. Enfin... Dehors, je bougeais beaucoup, je mangeais beaucoup moins, je faisais plus d'efforts. Dehors, je faisais du sport, je faisais de la natation. Et voilà, enfin, du coup, pas pareil. Ici, on fait presque rien. Ça fait une semaine que je me prive de nourriture. Enfin, je mange un petit peu parce que là, au CEF, en fait, si on mange pas un petit peu, on peut pas fumer. Et je sais que la cigarette, c'est trop important pour moi, donc je vais quand même manger un petit peu, mais je me prive au maximum. Mais c'est pour compenser un manque aussi, la nourriture, enfin, au début. C'est pour compenser le manque être loin de ma famille, être loin de mes proches, des gens que j'aime. Et ouais, ça m'a comblé un manque en fait, la nourriture. Avant, je prenais plus soin de moi. Là, depuis que je suis au CEF, je me dis je suis au CEF, donc ça va. Enfin, j'ai pas besoin de montrer, enfin, de ressortir mon côté féminin, tout ça. Même si on est entouré que de filles, enfin, je m'en fous, enfin, je me dis je suis au CEF, enfin, je suis pas dehors. J'ai rien à montrer à personne en fait. Pour ça, je prends moins soin de moi, de mon image. Enfin... Voilà. Ça reste encore ancré dans les pratiques aujourd'hui, dans les institutions, cette idée qu'il faut protéger les jeunes filles, y compris contre elles-mêmes en quelque sorte. Une jeune fille qui commet des violences est forcément une jeune fille malade. Hein, c'est pas quelqu'un, un acteur rationnel qui cherche à défendre son intérêt ou à protéger son honneur, etc. Donc là, il y a une nécessité d'une certaine manière qui se fait croissante du 19e au 20e siècle pour l'État à intervenir. Et c'est encore vrai dans les années 50 et 60, dans ces années d'après-guerre où la psychologie monte en puissance dans les institutions de protection de la jeunesse. L'idée que voilà, tout comportement un peu violent de la part des filles dans les années 50 et 60, pour les psychologues qui arrivent dans ces institutions, est un problème à gérer. Hein, il faut contrôler cette violence, il faut la réfréner, il faut l'invisibiliser. Là où, par exemple, à la même époque, à l'égard des garçons, on va dire il faut qu'elle s'exprime, cette violence. Il faut qu'elle sorte, à un moment donné. Elle a le droit de s'exprimer, elle peut même être utile, d'une certaine manière, dans la formation de la personnalité. Mais pour les filles, non. Il faut la contraindre, il faut l'effacer, il faut la traiter comme une maladie. Dans la plupart des institutions de prise en charge des jeunes ont créé des sections spéciales, c'est le terme qu'elles prennent parfois d'ailleurs, des sections spéciales qui sont des quartiers un peu réservés, médicalisés, dans lesquels on place les jeunes filles, alors soit dépressives, parce que c'est aussi les années 50-60, ce grand moment où on va théoriser la dépression et la caractériser, soit violentes. Et finalement, on traite indifféremment la dépression et les accès de violence en utilisant les neuroleptiques, de manière un peu d'ailleurs, parfois un peu aléatoire. Parce qu'il faut bien le dire, les psychiatres à l'époque, d'abord, ne sont pas toujours très présents dans les institutions, et puis ensuite jouent un petit peu aux apprentis sorciers avec ces nouvelles pilules qui leur sont données. Par exemple, je me souviens d'une détenue qui avait commencé une grève de la faim en prison. Une manière pour elle de... Enfin, c'est comme ça qu'elle me présentait les choses, de dire qu'elle n'était pas d'accord avec la peine à laquelle elle avait été condamnée. Et pour l'administration pénitentiaire, il s'agissait d'un début d'anorexie. Et donc, elle y voyait une possible mise en danger. Et c'était intéressant, justement, sur cette interprétation psychologisante, au fond, qui fait qu'effectivement, on fait violence à son corps et que forcément, quand on est une femme et qu'on fait violence à son corps, c'est un problème psychique qui parle. Hein, et donc, on y voit un symptôme plus qu'on y voit une manière, au fond, de revendiquer quelque chose qui semble inégalitaire. Et donc, ça dépolitise complètement le geste de cette femme. Ouais. Mais de manière générale, ça c'est très net, hein, la dépolitisation de la violence des femmes, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et par exemple, dans tous les mouvements politiques auxquels, et violents, hein, auxquels certaines femmes ont pu participer, ont pu revendiquer de participer, ça, très souvent, il y a une forme de dépolitisation parce qu'on va les présenter comme des femmes amoureuses et donc comme des victimes, comme ça, des hommes qu'elles suivraient, comme si elles-mêmes ne pouvaient pas décider, au fond, que poser une bombe, ça fait sens pour elles, enfin voilà, pour elles-mêmes et parce qu'elles revendiquent quelque chose. Et donc, cette dépolitisation, elle s'observe à plein de niveaux, en fait. Ça va? Super. Et toi? Oui, ça va. Donc en fait, les éducateurs, ils ont la clé des chambres. Oui. Elle a la clé de ta chambre, mais toi, t'as pas la clé de ta chambre. Non. Comme on dit, c'est un centre éducatif fermé. Donc c'est pas nous qui commandons. Donc tout est fermé, entre guillemets. Donc c'est eux qui ont le pouvoir sur nous. Enfin, c'est un peu pour ça, pour nous faire changer, pour nous dire qu'on n'est pas les rois, quoi. Du coup, bah, quand ils veulent rentrer, ils toquent. Si on leur dit oui, ils rentrent. Si on leur dit non, ils vont pas rentrer, ils repasseront plus tard. Mais après, comme on dit, ils sont aussi là pour notre sécurité. Donc parfois, il y a des fouilles de chambre. Donc ça veut dire, imaginons, moi je cache des cigarettes. Bah, s'ils se sont trouvés, je serais sanctionnée parce qu'il n'y a pas le droit. Qu'est-ce que tu pourrais cacher d'autre? Je sais pas. Moi, bah, je sais que j'ai beaucoup fait de conneries sur mes bras. Donc, je sais pas, je pourrais cacher des bouts de verre ou tout ça. Donc, comme je dis, ils sont là aussi pour notre sécurité. Donc, bah, s'ils trouvent un bout de verre, ils vont pas le laisser en disant, bah, vas-y, fais-le. Ils sont un peu là pour notre sécurité aussi. Donc, forcément, ils vont l'enlever et on va parler avec eux. T'as fait quoi sur tes bras? Je me suis scarifiée, mais du coup, maintenant, ça date un peu. Je le faisais beaucoup avant de venir ici. Parce que pour moi, c'était une solution d'évoquer mon mal-être. Et du coup, bah, je le faisais souvent. Et du coup, en arrivant ici, je l'ai continué un peu. Et après, j'ai appris à arrêter petit à petit. Et du coup, après, bah, ça va faire longtemps, là, j'ai pas recommencé. Il y a des points communs entre se scarifier et faire de la délinquance? Bah, j'en vois un. Après, je sais pas. C'est faire du mal intérieurement. La délinquance, ça fait à l'intérieur, ça te fait du mal à toi, mais aussi aux autres. Parce que du coup, t'impactes d'autres personnes dans ta délinquance. Par exemple, ma mère. Et dans la scarification, bah, ça fait du mal à toi. Mais ça peut aussi faire du mal aux autres de voir que toi, t'as du mal en toi et que du coup, tu le rejettes sur ça. Tu le rejettes? Sur tu le retransmets sur la scarification. Sur ta peau? Oui. C'est absolument intéressant de se rendre compte à quel point le regard posé sur les jeunes filles, sur leur corps et leur sexualité, par jeu de bascule, enfin je sais pas comment le dire, va être aussi intégré par les filles. C'est-à-dire qu'une des façons d'exprimer son malaise quand on est une jeune fille, ça passe par le corps. Et c'est vrai tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que les jeunes filles, d'une certaine manière, elles sont socialisées et éduquées à ne pas être violentes. Ça fait partie intégrante de notre éducation. C'était encore plus fort, bien sûr, dans les années 50 ou dans les années 20. Nous ne devons pas être violentes. Ah, ok, nous ne devons pas être violentes, donc nous ne devons pas taper l'autre, nous ne devons pas faire preuve de... Voilà. Mais alors, comment on fait quand on a de la violence en soi? Eh bien, on va se faire du mal à soi. Hein, et donc, on va avoir beaucoup de jeunes filles qui vont avoir des conduites violentes contre elles-mêmes. Suicide, anorexie, toxicomanie, alcool, tout ça sont des conduites à risque, violentes, mais violentes contre soi-même, donc pas perçues par le corps social de la même manière et qui viennent attaquer le corps féminin, de manière très forte. Hein. C'est vrai au 19e, au 20e, et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est pas une violence qui est perçue de la même manière par l'opinion publique. Et puis l'autre chose qui est vraie, c'est qu'effectivement, les jeunes filles dont on va contraindre la sexualité de manière beaucoup plus forte que les garçons. Dans les années 60, quand vous êtes un jeune garçon de 16 ou 17 ans, si vous n'avez pas eu déjà des relations sexuelles, ça pose problème. C'est ça qui pose problème, hein, c'est que vous n'ayez pas déjà eu un apprentissage autour de la sexualité. Au même âge pour une jeune fille, c'est un impensé, c'est un interdit, c'est absolument pas possible. Hein. Et ça fait partie aussi de l'intégration des normes du féminin et et du masculin. Donc du coup, bien sûr que vous avez des jeunes filles qui, par leur corps et leur sexualité, vont dire, vont exprimer leurs difficultés. Et c'est un moyen pour elles aussi, souvent inconscient, hein, de dire et de dire leurs difficultés et de permettre à ce qu'il y ait des services éducatifs et sociaux qui s'occupent d'elles. Quand on parle, par exemple, des questions de genre aujourd'hui aux juges des enfants, aux éducateurs, aux éducatrices et aux psychologues qui travaillent dans la protection de la jeunesse, beaucoup disent « Oh oui, mais ça, c'est pas vraiment notre problématique. Oui, ou alors on sait ce que c'est, la question du genre. On en tient compte, bien sûr, puisqu'on ne traite pas les filles de la même manière que les garçons. » Et justement, le genre, c'est, servirait au contraire à déconstruire complètement ces représentations et à dire « Et si, finalement, on essayait à un moment donné de traiter les filles comme les garçons ?» Parce que politiquement, ça a du sens. Et cette question-là, aujourd'hui, n'est pas encore prise en considération de manière suffisamment claire. Et puis, je crois aussi que dans cette question politique autour de la déviance des filles, il y a plus encore à creuser. C'est-à-dire que, et là, c'est peut-être un peu plus abstrait, mais le pouvoir, la façon dont s'exerce le pouvoir en avançant vers notre contemporain, et en particulier au XXe siècle, c'est de moins en moins de travailler sur la contrainte, mais plutôt de travailler sur l'intériorisation des normes. C'est ce long processus qui a été décrit par Norbert Elias et par d'autres sociologues à sa suite comme étant le processus de civilisation. Le pouvoir est de moins en moins contraignant et de moins en moins autoritaire, mais mise sur l'intériorisation des normes. Et dans ce processus de façonnement des subjectivités, qui est la forme moderne d'exercice du pouvoir, eh bien les filles, les femmes, mais les filles en particulier, sont de plus en plus les cibles, d'une certaine manière, de ces processus de subjectivation. Les filles sont stratégiques, en quelque sorte, dans tout un tas de mécanismes d'intériorisation des normes, de disciplinarisation des sociétés. Et donc, de manière assez paradoxale, au XXe siècle, plus la justice des mineurs et plus les instances de contrôle social se sont faites protectionnelles, protectrices de la jeunesse, plus elles se sont intéressées à la question des filles, des jeunes filles. Parce qu'elles sont un levier stratégique sur lequel agir pour produire des sociétés disciplinées, productives, conformes à l'idée qu'on se fait de ce que sont les normes de civilité et de citoyenneté, même contemporaines. Je suis déterminée. Je sais ce que je veux faire, c'est plus important. Je veux travailler, je vais être tranquille. Déjà, je ne vais pas faire la prison. Enfin, je sais justement ce que je veux pas, en fait. Et je sais que si je craque ici, je sais ce qui m'attend, donc je ne vais pas craquer. Après, d'un côté, je remercie le CEF. Hein. C'est... Avant, j'avais pas du tout de patience. Ici, j'ai réussi à avoir de la patience. Ça m'a fait beaucoup changer, vraiment. Hein. Mais au bout d'un moment, au bout d'un an, on commence vraiment à en avoir marre. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait changer ? L'enfermement. Déjà, ici, je suis enfermée, prison, je ne supporterai pas. C'est... Ici, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut prendre sur soi. Et avant, je ne faisais pas ça. Du coup, ouais, ça m'a fait changer. Après, je pense qu'ici ou ailleurs, j'aurais changé parce que j'en avais marre. Mais que le sexe, ça m'a quand même aidé. Je ne peux pas dire le contraire. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça marche ? Parce que, visiblement, tu supportes pas l'enfermement. C'est quelque chose de très dur pour toi. Parce que j'ai envie. Et je sais que je dois passer par là pour après avoir quelque chose de meilleur. Donc, j'ai pas le choix. Dans tous les cas, quand on dit qu'on n'a pas le choix, ben, on a pas le choix, on fait avec, en fait. C'est une stratégie pour gagner ta liberté, c'est ça ? Oui et non. Enfin, on s'habitue à tout. Mais je suis arrivée ici avec le sourire, moi. Et je rigolais et tout. Je m'en foutais. Parce que je savais que j'avais de la chance d'être ici. J'aurais pu aller en prison, tout. Mais non, j'étais ici. Et je savais que dans 6 mois, 1 an, tout au plus, j'étais dehors. Donc je m'en foutais. Maintenant, en fait, le truc, c'est que toute ma détermination, toute ma rage, je la mets dans mon projet. Tous les nerfs qu'ils peuvent me mettre, tant pis, c'est pour ça que je les remercie. Parce que ça m'aide juste à encore plus déterminer pour mon projet. Je pense, à travers mes travaux, c'est que la violence est une issue possible pour exprimer une difficulté pour des jeunes, et que ce soit pour des jeunes garçons ou pour des jeunes filles. Elle peut aussi, tout simplement, la violence être, et chez les filles en particulier, être considérée comme justement une interpellation politique. Tout simplement. En disant, voilà, je ne me satisfais pas de ma condition, je trouve qu'on n'écoute pas assez mes arguments, qu'on n'écoute pas assez ce que j'ai à dire, et je manifeste une forme de violence pour être entendu, pour être écouté. Donc il n'y a pas simplement une volonté destructrice dans la violence, il y a la volonté de construire un lien social et même, d'une certaine manière, un lien politique. Il y a une vraie interpellation dans les gestes violents. Et pourquoi les jeunes filles utilisent la violence pour s'exprimer politiquement ? Je crois en particulier, si on regarde l'histoire des institutions de protection de la jeunesse, que la violence est une réponse à l'invisibilité des filles. La question des filles enfermées dans les institutions a toujours pesé sous la loi du secret. Ça a toujours été quelque chose dont on ne parlait pas dans les familles, mais même dans la société en général. C'est une sorte de tabou. Il me semble qu'il y a un certain nombre de filles qui sont enfermées dans les années 40 à Fresnes, par exemple, et puis ensuite dans tout un tas d'institutions comme les Bons Pasteurs dans les années 50 ou 60, qui se disent la seule façon d'être visible de l'extérieur, c'est peut-être de tout casser dans cette institution. Et on a des épisodes comme ça qui deviennent de plus en plus fréquents. En 1947 à Fresnes, dans les années 50, dans plusieurs Bons Pasteurs, les filles, casse tout, le mobilier, les fenêtres, le grand motif justement de ces motifs de rébellion, le grand motif c'est on monte sur le toit et on prend le toit d'assaut, d'une certaine manière, de l'institution pour être vu. Et la violence permet de rompre cette loi du silence. Dans les récits que font les jeunes filles de leur fugue, de leur évasion, de leur insoumission, il y a cette idée qui est vraiment de dire j'existe, je suis là. Et pas simplement à titre individuel, nous sommes là. Nous sommes des mauvaises filles et nous devons être reconnus pour ce que nous avons à dire. Nous ne sommes pas que des malades, des hystériques ou des filles de mauvaise vie, dépravées. Nous avons quelque chose à dire. Donc il y a quelque chose de politique, évidemment, dans cette violence des jeunes filles. C'est fait, c'est fait. Tu fais la conne. Je suis d'accord que je dois payer ce que j'ai fait. Je suis totalement d'accord. Seulement quand quelqu'un il essaye de faire les choses bien, de se ranger, arrêter de vouloir encore plus l'enfoncer parce que la personne a fait ça. Et le truc qu'ils veulent travailler au CF, c'est empêcher le récidivisme. Et au final, ils font tout pour que ça recommence. Parce que quand ils mettent les gens en bout de nerf, ils pensent que ça va faire quoi. Ok, je suis d'accord, dans la vie de tous les jours, on aura toujours quelque chose pour nous saouler. Mais pas tous les jours quand on rentre, on va pas se dire qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Moi, c'est tout le temps ça. À chaque fois que je vais en stage et que je reviens, je me dis sur quoi ils vont me prendre la tête aujourd'hui. Ils veulent qu'on se réinsère, qu'on travaille, tout de suite. Enfin, ok. Mais dans ce cas, laissez-nous faire. Enfin, je veux dire, une fois qu'ils voient que la jeune, elle est en capacité d'écouter, de comprendre, de travailler, de faire les choses bien, pourquoi ils mettent encore des bâtons dans les roues? Moi, c'est en ça que je comprends pas leur manière de travailler. Parce que quand. Regardez, moi, là, avec la misère qu'ils me font, je pourrais très bien péter un câble et récidiver. Mais je le fais pas parce que je sais ce que moi je veux, mais tout le monde n'est pas comme moi. Enfin, ça va, pour moi, ça va dans les deux sens. Adulte ou pas, ça va dans les deux sens. Ok, on est des jeunes, ça je l'ai toujours dit, j'ai le respect des anciens. T'es plus grand que moi, je te respecte. Seulement, laisse-moi parler. T'as quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire, je le dis. T'es pas d'accord, ok, mais au moins je le dis. Mais ici, ça marche pas comme ça. Même si on dit quelque chose, ils vont nous dire ouais, même si on a raison, ils vont nous dire t'as tort. T'as tort. Et après, ils ont le culot de me dire « Ouais, mais tu remets toujours la faute sur les autres. » Non, c'est vous qui essayez de mettre toujours la faute sur les jeunes. Et c'est pour ça, moi, au bout d'un moment, ici, je me remettais tout le temps en question sur ce qu'ils me disaient. Parce que je me disais « Ouais, c'est vrai, j'ai peut-être encore ça à changer. Ouais, si, ouais, ça. » Mais au bout d'un moment, là, je me dis « Non, c'est pas possible, en fait. J'ai plus rien à changer, c'est juste... Enfin, si, j'ai encore des trucs à changer, je suis pas parfaite. C'est juste que c'est eux qui refusent de le voir, en fait. Qui refusent de voir ce que eux, ils ont encore des choses à changer. Là, c'est même plus de moi. Donc, voilà. C'était Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte. Épisode 3, les filles violentes, déviantes ou dissidentes. Avec les jeunes filles du centre éducatif fermé, Colline Cardi, David Niger, Arthur Watou, Véronique Blanchard, Maïté Bourquin et Aurore Carbonel. Production et coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abaudillier. Documentation, Vanessa Chang, Véronique Le Faller, Estelle Ferrari et Corinne Chauvel. Annie Lozana de Lina.